Madame Roland nous dira bien que plus tard qu'elle l'a disposée à devenir républicaine. Mais eût-il suffi à ce résultat si d'autres influences n'y avaient aidé? Cette noble dame, qui appelle mademoiselle la vénérée grand-mère de Madame Roland, cette financière qui invite la famille de la jeune philosophe pour la faire manger à l'office, n'ont-elles pas soulevé cette fière nature contre un ordre social qui permettait de telles distinctions de rang? Lorsque la jeune fille va à Versailles et qu'elle y endure d'autres humiliations, que répond-elle à sa mère, qui lui demande si elle est contente de son voyage? Oui, pourvu qu'il finisse bientôt. Encore quelques jours, et je détesterai si fort les gens que je vois que je ne saurais que faire de ma haine. Quel mal te font-ils donc? Sentir l'injustice et contempler à tout moment l'absurdité. Si Madame Roland était née dans les classes privilégiées qui lui inspiraient de telles rancunes, il est probable qu'elle s'en serait tenue au libéralisme des grandes dames du XVIIIe siècle, ou qu'elle aurait apporté dans ses opinions politiques la mobilité qui distingua ses croyances religieuses ou philosophiques. N'avait-elle point, disait-elle, passé par le jansénisme, le cartésianisme, le stoïcisme, pour arriver au patriotisme? N'y avait-il pas eu dans son ardente jeunesse un moment où elle avait rêvé le martyr religieux avec le même enthousiasme qu'elle souffrit plus tard le martyr politique? Mais dans la vie de Madame Roland, tout se réunissait pour rendre cette femme plus fidèle à ses opinions politiques qu'à ses croyances religieuses. Dans le rôle que joue son mari, elle voit le moyen d'établir cette république idéale dont l'illusion a caressé sa jeunesse. Disons ici à son honneur que malgré la prétention théâtrale avec laquelle elle se montre dans ses mémoires, elle a grand soin de nous avertir qu'elle n'est jamais sortie de ses attributions de femme, qu'elle n'a jamais pris une part active aux discussions politiques qui avaient lieu chez son mari, mais que dans l'attitude modeste qui convient à son sexe, elle se bornait à écouter. « Ah mon Dieu » s'écrit-elle, « qu'ils m'ont rendu un mauvais service ceux qui se sont avisés de lever le voile sous lequel j'aimais à demeurer. Durant 12 années de ma vie, j'ai travaillé avec mon mari, comme j'y mangeais, parce que l'on m'était aussi naturel que l'autre. » Elle reconnaît donc qu'elle a été pour Roland un secrétaire, mais un secrétaire intelligent, dont elle avoue elle-même la collaboration. Nous savons que ce n'est pas sa main seulement qui a écrit la lettre plus éloquente que généreuse et juste que Roland adressa à Louis XVI, et qui le fit sortir de ce cabinet où le dissout devait le faire rentrer. Dans diverses dépêches officielles de Roland se retrouvent la plume et l'esprit de sa femme. Et en effet, pour le malheur des Girondins, Madame Roland fut bien réellement l'inspiratrice de ce parti, qui, avec son esprit d'utopie, crut pouvoir se servir des Jacobins pour faire le dissoudre contre la royauté, vota pour la mort de Louis XVI, et entre ces deux actes désavoua avec indignation les massacres de septembre. Étrange illusion que de s'étonner du carnage quand on a lâché la bête féroce. Ceux qui la déchaînent en sont eux-mêmes les victimes. Madame Roland et les Girondins l'éprouvèrent. Dès le moment de son arrestation, Madame Roland reconnaît les illusions de sa vie politique. Elle dit au commissaire qui la conduise à l'abbaye « Je gémis pour mon pays. Je regrette les erreurs d'après lesquelles je l'ai cru propre à la liberté, au bonheur. Dans sa captivité apprend-elle l'arrestation des Girondins. Mon pays est perdu, s'écrie-t-elle. Sublimes illusions, sacrifices généreux, espoir, bonheur, patrie, adieu. Dans les premiers élans de mon jeune cœur, je pleurais à 12 ans de n'être pas née spartiate ou romaine. J'ai cru voir dans la Révolution française l'application inespérée des principes dont je m'étais nourri. La liberté, me disais-je, a deux sources. Les bonnes mœurs qui font les sages lois et les lumières qui nous ramènent aux unes et aux autres par la connaissance de nos droits. Eh bien, Madame Roland a vu ce qu'a produit une liberté à laquelle elle ne donne, même dans ses déceptions, qu'une base humaine. Et dans ses dernières pensées, et plus amplement dans son projet de défense, elle dit avec amertume « La liberté, elle est pour les âmes fières qui méprisent la mort, et savent à propos la donner, ajoute-t-elle, avec cette persévérante illusion classique, qui, malgré la répulsion que lui inspire le sang versé, lui fait toujours saluer dans le poignard de Brutus la délivrance de son pays. Cette liberté, poursuit Madame Roland, n'est pas pour ces hommes faibles qui temporisent avec le crime, en couvrant du nom de prudence leur égoïsme et leur lâcheté. Elle n'est pas pour ces hommes corrompus qui sortent de la fange du vice ou de la fange de la misère, pour s'abreuver dans le sang qui ruisselle des échafauds. Elle est pour le peuple sage qui chérit l'humanité, pratique la justice, méprise les flatteurs, connaît ses vrais amis et respecte la vérité. Tant que vous ne serez pas un tel peuple, ô mes concitoyens, vous parlerez vainement de la liberté. Vous n'aurez qu'une licence dont vous tomberez victime chacun à votre tour. Vous demanderez du pain, on vous donnera des cadavres. Dans les notes des mémoires de Madame Roland, éditées par lui, M. Faugère fait remarquer qu'il y a ici une réminiscence d'un discours de Vergiot. Et vous finirez par être asservi. En pleurant sur ses illusions perdues, Madame Roland honore ceux qui les ont partagées avec elle. Républicains déclarés, mais humains, persuadés qu'il fallait par de bonnes lois faire chérir la République, de ceux même qui doutaient qu'elle pût se soutenir. Ce qui, effectivement, est plus difficile que de les tuer, ajoute-t-elle, avec une superbe ironie. L'histoire de tous les siècles a prouvé qu'il fallait beaucoup de talent pour amener les hommes à la vertu par de bonnes lois, tandis qu'il suffit de la force pour les opprimer par la terreur ou les anéantir par la mort. Ce sont là de nobles regrets, et l'on aime à entendre ces graves et généreux accents dans ces pages où la déclamation remplace trop souvent l'éloquence, comme il arrive fréquemment d'ailleurs dans les écrits des femmes politiques. Mais dans ces lignes, Madame Roland parle bien moins la langue de la politique que celle de la conscience outragée. Madame Roland sut mourir. « Vous pouvez m'envoyer à l'échafaud », avait-elle dit dans son premier interrogatoire. « Vous ne sauriez m'ôter la joie que donne une bonne conscience et la persuasion que la postérité vengera Roland et moi en vouant à la famille ses persécuteurs. » Sans doute un appareil théâtral se mêle au dernier jour de Madame Roland. Le courage stoïcien n'a pas la sublime simplicité du courage chrétien. Comme l'acteur qui se drape dans les plis de son vêtement pour mourir avec noblesse, aux applaudissements du public, le stoïcien meurt en regardant le monde, auquel il demande la gloire. Le chrétien ne regarde que le ciel dont il attend sa récompense. Quand arriva cependant l'heure du supplice, Madame Roland paraît avoir eu comme une soudaine perspective de la vie éternelle. Au pied de l'échafaud, dit-on, elle demanda qu'il lui fût permis d'écrire des pensées extraordinaires qu'elle avait eues dans le trajet de la conciergerie à la place de la Révolution. Cette faveur lui fut refusée. J'ai déjà cité quelquefois les mémoires que Madame Roland eut le courage et le sang-froid d'écrire dans sa prison. La publication entière de ses écrits a été funeste à la mémoire de cette femme célèbre. La vanité de l'auteur, le cynisme de certains détails ont singulièrement fait descendre Madame Roland du piédestal où l'avait élevé l'héroïsme de sa mort et l'illusion de l'histoire contemporaine. Nous voyons aussi dans ses mémoires combien peu la femme a été créée pour un rôle public. Madame Roland se met-elle en scène? Prend-elle la pose d'une héroïne? Elle est guindée, prétentieuse. Des réminiscences classiques se mêlent dans son langage à l'enthousiasme obligatoire et par conséquent faux, qui distingue l'école de Rousseau. La femme politique gâte jusqu'à la femme du foyer, qui elle-même se plaît à l'emphase. Mais lorsque Madame Roland veut bien être que la femme du foyer et qu'elle nous épargne d'étranges confidences, nous la jugeons avec plus de sympathie. Sa tendresse pour mère, ses promenades dans les bois de Meudon, lui dictent des pages simples, touchantes, remplies de fraîches descriptions, et qui parlent vraiment à notre cœur. Nous avons rendu hommage à la générosité naturelle de ses sentiments. Voyons-la encore se dévouer avec un intrépide courage à la défense d'un mari pour lequel elle n'a qu'une affectueuse estime. Entendons enfin cette femme qui la sert dans sa prison et qui dit à Riouf, l'un des compagnons de sa captivité, « Devant vous, elle rassemble toutes ses forces, mais dans la chambre, elle reste quelquefois 3 heures appuyée sur sa fenêtre à pleurer. Séparée Madame Roland de la Révolution, elle ne paraît plus la même, » dit le comte Beugnot, qui lui aussi l'a connue en prison. Personne ne définissait mieux qu'elle les devoirs d'épouse et de mère, et ne prouvait plus éloquemment qu'une femme rencontrait le bonheur dans l'accomplissement de ses devoirs sacrés. Le tableau des jouissances domestiques prenait dans sa bouche une teinte ravissante et douce. Les larmes s'échappaient de ses yeux lorsqu'elle parlait de sa fille et de son mari. La femme de parti avait disparu. Dans ses pleurs, tout n'était pas pour son mari, pour son enfant. Elle avait au fond du cœur une affection qui ne triompha pas de son honneur, mais qui la fit profondément souffrir. Peut-être le stoïcisme, la seule foi qu'elle connut, ne lui aurait-il pas suffi pour supporter courageusement sa captivité, si elle n'avait vu avec joie dans les murs qui l'enfermaient une barrière qui la protégeait contre sa passion, mais qui, suivant une déduction bien hasardée et bien périlleuse, la rendait ainsi plus libre de garder son âme à l'homme qu'elle aimait. Comme le comte Beugnot, M. Le Gouvet a fait remarquer combien, en Madame Roland, l'homme d'État est au-dessous de la femme. Elle a des sensations politiques au lieu d'idées, et devient la perte de son parti dès qu'elle en devient l'âme. Deux autres femmes célèbres ont partagé l'enthousiasme de Madame Roland pour une république idéale. Charlotte Corday, Olympe de Gouges. Charlotte Corday, comme Madame Roland, trouve que la liberté est pour les âmes fières qui méprisent la mort et savent à propos la donner. Charlotte Corday la donne. Mais alors même que la victime s'appelle Marat, l'acte qui frappe cet homme est un crime, et ce n'est point par l'assassinat que triomphent les saintes causes. Charlotte Corday a écouté la voix d'une passion noble dans son principe, mais coupable dans son application. Elle a exécuté l'arrêt de la vengeance humaine, non celui de la justice divine. Olympe de Gouges, elle, n'a pas versé le sang. Nous retrouverons tout à l'heure en elle l'ardente émancipatrice politique de la femme. Mais comment elle-même remplit-elle ce rôle public qu'elle revendique pour la femme? Cette étrange créature qui, sans savoir lire ni écrire, composa des pièces de théâtre et des brochures révolutionnaires, n'était républicaine que dans ses espérances. Elle demeurait à son insu royaliste dans ses souvenirs. Elle demanda à défendre Louis XVI, et ce sont les invectives qu'elle lança contre Robespierre qui la firent condamner à mort. Ainsi que Madame Roland, Olympe de Gouges eut, avec l'emphase oratoire, quelques éclairs de véritable éloquence. Madame Roland, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, poursuivaient, sinon une idée, du moins une utopie politique. Mais que dire de ces femmes, de ces mégères, que fit surgir l'émeute, et qui, dans le déchaînement des passions populaires, dépassèrent encore les hommes en cruauté, d'après cette loi de la nature, qui veut que l'être le plus impressionnable soit, suivant ses instincts, capable des plus généreuses actions ou des plus exécrables forfaits. La fièvre de la Révolution avait donné à ces femmes la soif du sang. Elles venaient à la curée comme ces bêtes fauves qui ne savent pas pour quelle cause des hommes sont massacrés, mais qui sont attirées par l'odeur du carnage. Dans leur farouche ardeur, ces femmes sont pour la Révolution un auxiliaire dont elles sentent le prix. Mirabeau a dit que les femmes, en se mettant au premier rang de l'émeute, peuvent seules la faire triompher. Elles sont capables d'entendre un appel de ce genre, ces femmes qui trouvent que les hommes ne vont pas assez vite. Les femmes forment, au 5 octobre, l'avant-garde de ce peuple parisien, de cette mer humaine qui roule jusqu'à Versailles ses flots en fureur, son écume immonde, et qui bat de ses vagues le vieux palais des rois. Parmi ces femmes, les unes sont poussées par la famine, les autres par leur mauvais instinct. Filles perdues et femmes du peuple se coudoient dans la mêlée. Elles sont armées de bâtons, de coutelas, de fusils. L'une d'elles bat du tambour et la horde chante le « ça ira ». Pour séduire les soldats qui défendent Versailles, tout leur est bon et les dégoûtants spectacles de l'orgie se mêlent aux scènes du massacre. Voient-elles de leurs compagnes s'attendrir à la parole du roi, elles procèdent à la strangulation de ces dernières, ce qui ne les empêchera pas de céder elles-mêmes au mouvement qui saluera la superbe attitude de la reine. Les femmes de l'émeute ont triomphé. Elles ramènent à Paris la famille royale. Juchées sur des voitures, sur les trains des canons, elles sont affublées des dépouilles des gardes du corps, et ces étranges soldats jettent ce cri de sauvage triomphe. « Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. » Elles demandent à la commune une récompense, et s'il en faut en croire Pacote, elles l'ont bien méritée. Sans elles, la chose publique était perdue. En dépit des murmures masculins qui accueillent cette assertion, les femmes obtiennent les honneurs qu'elles sollicitent. Dans les cérémonies publiques, elles auront une place d'honneur et tricoteront, ajoute Chaumette, peu partisan, comme nous allons le voir, de leur émancipation politique. Partout où il y aura du sang à flairer, les femmes de l'émeute seront là, aux Tuileries le 20 juin et le 10 août dans les prisons au massacre de septembre. Elles demandent des piques pour défendre la Constitution, mais en vérité, elles ont bien d'autres armes. Ces femmes qui endossent le pantalon rouge et qui se coiffent du bonnet rouge, ce sont les flagelleuses. Et si, sur la voie publique, elles rencontrent d'autres femmes, dont le civisme leur paraît suspect, elles les fouettent, outrage ignoble qu'elles font subir sur le parvis de Notre-Dame aux angéliques sœurs de charité expulsées de leur maison. Sous la douleur et la honte de cet infâme supplice, les saintes filles tombent malades. Quelques-unes d'entre elles meurent. Et l'une d'elles, qui a voulu se sauver, est jetée dans la Seine. ces femmes forment des clubs. Le plus terrible est celui de la Société des femmes révolutionnaires, qui s'assemble dans le charnier de l'église Saint-Eustache. Un charnier convient bien à ces fauves. Il y a encore d'autres sociétés parmi lesquelles il faut distinguer la Société fraternelle. C'est une succursale de la Société mère des Jacobins, et celle-ci se charge de diriger cette pépinière. La Société fraternelle a des affiliations dans tout le pays. Ses membres fomentent la guerre contre l'Autriche. Les femmes ne se contentent pas de leur club. Elles assistent et pérorent aux séances des clubs masculins et de l'Assemblée. On les a vues envahir l'Assemblée de Versailles, se mêler aux députés, voter avec eux, encourager les uns, imposer silence aux autres. Parle député, tais-toi député. Par d'ignobles menaces, par des actes cyniques, elles souillent l'asile de la représentation nationale. Robespierre saura se servir du concours de ces femmes. Remplissant les galeries des assemblées, elles tricotent, comme leur a prescrit Chaumette, mais en même temps, elles prennent aux séances une part active. Par leurs applaudissements, elles s'associent aux plus cruelles motions des Jacobins. Elles couvrent de leur huée la parole des hommes modérés. « Monsieur le Président, faites donc taire ce tas de sans-culottes, » dit l'abbé Maury en désignant les tricoteuses. C'est ainsi que fut employé pour la première fois ce nom, qui devait désigner les purs Jacobins. Dans les comités de salut public et de sûreté générale, les tricoteuses acclament les dénonciateurs. En prairial, elles ne se bornent pas à se servir de leur langue. Elles tirent leur couteau contre la Convention. C'est une femme, une folle furieuse, qui assassine Féraud, qu'elle a pris pour Boissy d'Anglas. La cruauté des femmes survivra même au régime de la Terreur. Les mégères se font gloire de ce titre, les furies de la guillotine. Lorsque le peuple semble là des scènes de l'échafaud, ce sont elles que l'on enverra aux exécutions, pour que leurs hurlements réveillent la meute populaire. Elles excitent les bourreaux. Avec une âpre volupté, elles se cramponnent jusqu'à la planche de l'échafaud, pour se mieux repaître de la vue du sang. À leurs grimaçantes attitudes, à leurs fauves éclats de rire, on les prendrait pour des démons surgissant de l'enfer. Elles dansent au pied de l'échafaud, la hideuse carmagnole. Quelques-unes des femmes de l'émeute se sont faites un nom. Je ne parle pas de cet être allégorique, la mère Duchesne, Brise Acier, qui, fumant le chibouk, menaçant de son sabre et tournant sa quenouille, crie aux femmes « Vive libre ou mourir !» Je me contente de nommer la reine des Halles, reine Odu, qui obtient une couronne pour sa belliqueuse attitude dans les journées du 5 et du 6 octobre. Rose Lacombe, la fondatrice de la fougueuse Société des femmes révolutionnaires, la farouche clubiste, que je retrouverai tout à l'heure. Rose Lacombe, qui, avec les Marseillais, est allée aux Tuileries le 10 août, et en septembre dans les prisons, où elle a assouvi ses haines furieuses. Rose Lacombe qui commande les flagelleuses. Rose Lacombe qui, accusant la Convention de lenteur, dénonce à sa barre les fonctionnaires nobles ou suspects, et qui, éprise d'un jeune royaliste, se retourne contre les Jacobins, parce qu'ils ne veulent pas élargir l'homme qu'elle aime. Rose Lacombe, enfin, qui, après la fermeture des clubs de femmes, tiendra une humble boutique dans la galerie du Luxembourg. Le temps et la bonne volonté me manquent pour m'arrêter devant les tristes héroïnes des journées révolutionnaires. Il en est une cependant que je veux signaler, comme le type même de la furie démagogique. Fille de laboureur, Théroigne de Méricourt a été aimée d'un jeune gentilhomme qui l'a abandonnée. Voilà ce qui a fait d'elle l'ennemi des hautes classes. La villageoise devient courtisane, et pour commencer son œuvre de revendication sociale, elle se plaît à ruiner les plus riches seigneurs. La révolution éclate. Théroigne se jette dans les luttes de la rue. En habit d'Amazone, elle porte le sabre au côté, des pistolets à la ceinture, et dans le pommeau de sa cravache se trouve une cassolette d'or, contenant des sels et des parfums, en cas de défaillance et pour neutraliser l'odeur du peuple. La courtisane et l'émeutière se combinent ici dans un curieux mélange. Théroigne participe aux journées de la Révolution. Elle figure au pillage du dépôt d'armes des Invalides. Elle compte parmi les premiers assaillants qui ont escaladé les tours de la Bastille, et un sabre d'honneur est sa récompense. Accusant de tiédeur le club des enragés, qui a des chefs tels que Maillard, Saint-Urugue, Santerre, elle a jeté sur Versailles les femmes du 5 octobre. Cette fois son Amazone est rouge, et rouge aussi son panache. Échevelée, armée jusqu'aux dents, debout sur un canon, elle excite les insurgés. Le 10 août, elle se bat. Au massacre de septembre, on la voit à l'abbaye, à la force, à Bicêtre. Elle a une acolyte qui tient une tête de femme au bout d'une pique. Elle parle dans les clubs, à l'Assemblée même. Enfin, liée avec Brissot, elle prêche avec lui la conciliation des partis qu'il faut réunir contre l'étranger. Brissot est attaqué dans la rue par les mégères. Théroigne le défend, et l'Amazone révolutionnaire subit le châtiment que savent donner les flagelleuses. Cet outrage la rend folle. On l'enferme. Alors Théroigne la courtisane, Théroigne la septembriseuse, a dans sa folie le double caractère de sa honteuse et sanguinaire existence. Dépouillée de tout sentiment de pudeur, elle ne peut supporter aucun vêtement, et dans sa hideuse nudité, elle se traîne sur le sol. Elle mord avec rage celui dont la présence l'irrite, et recherchant ses aliments dans les ordures, elle ne peut boire que l'eau boueuse du ruisseau.